Qui trace notre destin, qui nous montre le chemin, qui trace notre destin. Toute chose lui appartient, toute âme lui revient. Toute chose lui appartient, toute âme lui revient. Il a tout le pouvoir, il donne la vie, la mort. Il a tout le pouvoir, il donne la vie, la mort. Solliciter son pardon. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Point de fils ni parent. Il est l'unique, le grand, n'a point de fils ni parent. De cacher l'apparent, tout le sort de la création. De cacher l'apparent, tout le sort de la création. La prescrit auparavant, Allah est partout. La prescrit auparavant, Allah est partout.